Psaume 81. Psaume d'Asaph, donné au maître chantre, pour le chanter sur Gittit. Chantez gaiement à Dieu, qui est notre force, jetez des cris de réjouissance en l'honneur du Dieu de Jacob. Entonnez le cantique, prenez le tambour, la harpe agréable et la musette. Sonnez la trompette en la nouvelle lune, en la solennité, pour le jour de notre fête. Car c'est un statut à Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il établit cela pour témoignage en Joseph, lorsqu'il sortit contre le pays d'Égypte, où jouit un langage que je n'entendais pas. J'ai retiré, dit-il, ses épaules de dessous la charge, et ses mains ont été retirées arrière des peaux. Tu as crié étant en détresse, et je t'en ai retiré, je t'ai répondu du milieu de la nuit où gronde le tonnerre, je t'ai éprouvé auprès des eaux de Meriba, c'est là. Écoute, mon peuple, je te sommerai, Israël, oh, si tu m'écoutais. Il n'y aura point au milieu de toi de Dieu étranger, et tu ne te prosterneras point devant les dieux des étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter hors du pays d'Égypte, dilate ta bouche, et je l'emplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, et Israël ne m'a point eu agréé. C'est pourquoi je les ai abandonnés à la dureté de leur cœur, et ils ont marché selon leurs conseils. Oh, si mon peuple m'eût écouté, si Israël eût marché dans mes voies, j'eusse en un instant abattu leurs ennemis, et j'eusse tourné ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel lui auraient menti, et le temps de mon peuple eût été à toujours. Dieu lui nourrit de la moelle du froment, et je t'eusse, dit-il, rassasié du miel qui distille de la roche.